Ceci est un audio généré issu de l'article Jérusalem, la ville cachée et rebaptisée, disponible sur le site conspiracte.com. Les sources utilisées sont disponibles sur le site. Bonne écoute à vous. La ville sainte qui corrige votre vocabulaire. Tu débarques enfin dans la ville dont on te parle depuis l'enfance. Tu marches dans les ruelles, tu sens la pierre chaude, tu te prépares à prononcer son nom sacré, Jérusalem. Tu t'attends à des regards complices. Pourtant, certains habitants sourient et répondent calmement, « Tu veux dire Al-Qud ?» Ce détail semble anodin. En réalité, il ouvre une brèche. Pendant des siècles, une grande partie du monde musulman parle surtout d'Al-Qud ou de Bay al-Mahdi. Des textes rassemblés dans des études comme From Ahliyatu Al-Qud, The Names of Islamic Jérusalem rappellent ce glissement de nom au fil des conquêtes, et on peut les consulter dans la publication en ligne de l'Islam, From Ahliyatu Al-Qud. À partir du XVe et surtout du XVIe siècle, les cartes européennes ne jurent pourtant plus que par Jérusalem. Les atlas conservés à la British Library ou à la Bibliothèque nationale de France montrent ce tournant. De plus, des auteurs modernes sur le site Al-Qud Jérusalem Oman Inams, One Holy City explique que chaque pouvoir rebaptise la ville pour s'approprier son récit sacré. Et si ce changement n'était pas juste une histoire de vocabulaire? Et si, derrière ce nouveau nom, se cachait la mise en scène d'un tout autre Jérusalem? Une ville redessinée, rebaptisée, entourée de murs, puis remplie de symboles pour trois religions. Une ville claire à la surface, mais étrange sous la couche de terre. Pour y voir plus clair, on va donc avancer étape par étape. D'abord, on regarde comment le nom bascule d'Al-Qud vers Jérusalem. Ensuite, on suit le sultan Soliman et ses remparts. Enfin, on s'attarde sur ce fameux kilomètre carré qui rassemble presque tous les lieux saints comme si quelqu'un avait posé les pièces sur un échiquier. D'Al-Qud à Jérusalem, quand le nom change l'histoire. Pendant des siècles, les chroniques arabes parlent surtout de Bay al-Mahdi, la maison sacrée, puis d'Al-Qud, la sainte. Après la conquête arabe du 7e siècle, ces noms se répandent dans le monde musulman. Une notice de l'encyclopédie en ligne intitulée Jérusalem et Bet al-Mahdi, Al-Qud résume bien cette évolution historique. En parallèle, le nom hébreu Yerushalayim continue d'exister dans les textes juifs. Il reste surtout présent dans les prières et les commentaires bibliques. Cependant, ce n'est qu'avec la montée de la cartographie européenne à l'époque moderne que Jérusalem devient l'étiquette obligatoire sur les cartes. Le travail de chercheurs présenté dans From Ahliyatu Al-Qud montre bien ce moment où les géographes fixent une version simple du nom. Ce n'est pas un détail. Au XVe et au XVIe siècle, l'Europe redessine le monde, grande découverte, routes maritimes, premiers atlas globaux. Dans ce nouveau décor, les cartographes veulent un récit clair, une ville sainte identifiable, un nom biblique facile à imprimer, un point fixe sur leur planisphère. C'est là que Jérusalem gagne et qu'Al-Qud recule dans la mémoire occidentale. Ainsi, une question logique surgit. Est-ce que les cartes ont seulement enregistré un nom déjà évident, ou est-ce qu'elles l'ont imposé? Des historiens de la toponymie rappellent souvent cette phrase « Nommer, c'est déjà posséder ». Quand tu renommes un lieu, tu changes la façon dont les gens le voient. Tu réécris aussi, en douce, la couche d'histoire qui l'entoure. Soliman, les remparts et la boîte sacrée d'un kilomètre carré. Avançons de quelques décennies. Nous voilà au XVIe siècle, au cœur de l'Empire ottoman. Le sultan Soliman le Magnifique règne depuis Istanbul. Les historiens le décrivent comme un souverain bâtisseur, obsédé par la gloire de ses villes. Des articles de vulgarisation sur Jérusalem ottomane et des notices comme Soliman le Magnifique et Turquiculture rappellent son goût pour les grands chantiers. Vers 1537-1538, il lance un projet énorme, reconstruire tout le système de remparts autour de la vieille ville. Des fiches comme Balade sur les remparts de Jérusalem et une note chronologique sur la reconstruction des remparts en 1538 détaillent un quadrilatère d'environ 4 km de mur, une douzaine de mètres de haut, 34 tours et plusieurs portes. On parle souvent de restauration. Sur le papier, Soliman aurait simplement relevé d'anciens murs. Pourtant, les chiffres donnent une autre sensation. La vieille ville sainte à ses remparts couvre à peine 0,9 km². Des sites comme Madin Project et Old City of Jérusalem rappellent cette surface minuscule, moins d'un kilomètre carré, qu'on oppose ensuite à la nouvelle ville qui déborde hors les murs. Pourquoi consacrer tant d'énergie à enfermer un si petit morceau de plateau? Pourquoi tracer ce périmètre précis, et pas un autre? Vu d'en haut, le plan ressemble presque à une boîte. Une boîte de pierre posée sur la colline, comme si quelqu'un avait décidé, Tout ce qui comptera vraiment se passera à l'intérieur. Tout sur un kilomètre carré, une géographie sacrée dessinée sur plan. Maintenant, regarde ce que cette boîte contient. Dans ce petit carré de moins d'un kilomètre de côté, tu trouves presque tous les lieux saints majeurs des trois grandes religions monothéistes. Pour les Juifs, le mont du Temple et le mur occidental, vestiges du Temple de Salomon selon la tradition. Pour les chrétiens, le Saint-Sépulcre, là où la crucifixion et la résurrection se seraient déroulées. Pour les musulmans, le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa, d'où le prophète aurait entamé son ascension. Tout se marche en une heure. Tu passes du mur de prière à l'esplanade des mosquées, puis tu rejoins la basilique chrétienne en quelques minutes. Des guides comme ceux de Terre Sainte Magazine s'émerveillent de cette densité unique. Ils expliquent comment une balade sur les remparts permet de survoler, en une matinée, les quatre quartiers et la plupart des sanctuaires. Bien sûr, on peut y voir le fruit de siècles de construction et de reconstruction. Cependant, ce regroupement serré pose une question simple : est-ce que la ville a concentré naturellement ces lieux, ou est-ce que des pouvoirs religieux et politiques ont peu à peu assemblé ce puzzle ? Des analyses récentes comme Boundary, Rethinking the Mapping of Jerusalem into Carte ou Who Created the Whole Cities for Carte and Why It Matters montrent que la fameuse division en quatre quartiers, juifs, chrétiens, musulmans, arméniens, se fige réellement au XIXe siècle, sur des cartes produites par des Européens. Alors, imagine un instant le scénario. On dispose d'un plateau déjà marqué par de vieilles structures. On le ceinture de remparts sous soliment. Plus tard, on superpose un quadrillage religieux bien propre, un quartier par famille de foi, un sanctuaire central pour chacune. Le tout dans une boîte compacte, facilement contrôlable, idéale pour raconter au monde une histoire commune, Jérusalem comme centre sacré partagé. Avoue que ça ressemble plus à un plan qu'à un hasard. Sous Jérusalem, une autre ville, étage enterré et rue fantôme. Passons maintenant sous la surface. Oublie un instant les coupoles dorées et les processions. Regarde les façades. Tu vois ces fenêtres au ras du trottoir ? Tu remarques ces anciennes portes qui se retrouvent à 1,50 m sous le niveau actuel ? Des reportages archéologiques, comme l'article Jérusalem, Layer of History Underground, montrent le même motif partout, quartier après quartier. Ensuite, descends quelques marches dans un restaurant ou une boutique. Tu ne tombes pas dans une cave minable. Tu entres dans une vraie salle, avec de grandes voûtes en pierre, 3 ou 4 mètres de hauteur, des encadrements de portes soignées. Tout indique un ancien étage d'habitation, pas un sous-sol technique. Pourtant, cet étage vit désormais sous terre, coincé sous une épaisse couche de matériaux. Les archéologues creusent plus profond encore. Sous le niveau actuel, ils retrouvent des rues pavées romaines, des colonnes, des boutiques, des caniveaux. Un rapport de fouille intitulé « The Excavation in the Old City of Jerusalem » décrit par exemple une voirie du 1er siècle, à plus de 10 mètres sous le sol moderne, avec son pavement intact et ses trottoirs en pierre. Et là, une question simple explose. Comment autant de terres ATL recouvert une ville perchée sur un plateau rocheux à plus de 700 mètres d'altitude ? Jérusalem ne se trouve ni au bord d'un grand fleuve, ni dans une plaine alluviale. Elle ne possède pas de delta capable de déposer des mètres de limon. Pourtant, une couche d'argile, de sable et de gravier engloutit maisons et rues anciennes. Bien sûr, les archéologues évoquent des effondrements, des remblais successifs, des reconstructions. Toutefois, certains rapports, comme ceux repris dans Jérusalem, Layer of History Underground, soulignent une chose gênante, dans ces couches, on ne trouve pas toujours beaucoup de déchets humains, de céramique cassée ou de restes de feu. On trouve souvent surtout de la terre compacte, presque pure, comme après un énorme apport soudain. On peut continuer à dire que tout cela reste normal. On peut aussi admettre qu'il manque encore une explication claire. Pour l'instant, la ville moderne marche littéralement sur une autre ville, sous plusieurs mètres de matériaux. Et la plupart des visiteurs ne le voient jamais. Le mur occidental, trois couches, trois époques, un mur qui ne raconte pas la même histoire. Parlons maintenant du mur le plus célèbre du pays, le mur occidental, ou mur des Lamentations. Des millions de personnes le touchent chaque année, persuadées de poser la main sur l'œuvre directe d'Hérode. Pourtant, quand tu regardes la pierre en mode ingénieur, tu vois autre chose. Tu vois trois mondes superposés. En bas, les blocs impressionnent. Certains dépassent 13 mètres de long, plus de 3 mètres de haut, pour un poids estimé entre 250 et 500 tonnes. La fondation qui gère le site explique ses dimensions sur la page Greatstone in the Western Wall Tunnel. Des sites pédagogiques comme Holyland Site au Western Wall Tunnel ou Bible Place au Western Wall reprennent ces chiffres et ces photos. Les joints entre ces blocs restent si serrés qu'on ne peut pas y glisser une feuille de papier. Il n'y a pas de mortier visible. Juste pierre contre pierre. Le niveau de précision ressemble davantage à certains murs mégalithiques du Pérou ou de la Méditerranée antique qu'à un chantier classique du 1er siècle avant notre ère. Plus haut, les blocs changent. Ils restent imposants, mais leur taille baisse nettement. Les surfaces montrent plus clairement les traces d'outils. On aperçoit des joints plus irréguliers, parfois renforcés au mortier. Le travail reste propre, solide, mais il n'a plus ce côté surhumain de la base. On reconnaît un chantier possible avec des moyens médiévaux, même si l'effort reste énorme. Tout en haut, le mur devient presque banal. Les pierres se réduisent encore. L'ajustement perd en précision. Les joints débordent de mortier. Visuellement, tu pourrais croire à une réparation de village, pas à un chantier d'empereur. Des fiches techniques et visites guidées en ligne, comme celle de la Western Wall Heritage Foundation ou de Jérusalem 101 Western Wall Tunnel, confirment cette stratification. La version classique attribue tout le mur au projet d'Hérode, avec des retouches plus tardives. Mais la logique se grippe. Pourquoi un même chantier impérial attirerait-il de mégalithes parfaitement ajustés, puis passerait-il à des blocs plus modestes, avant de finir sur de la maçonnerie grossière? En général, on observe l'inverse, plus on remonte dans le temps, plus les techniques restent limitées. Les fouilles des tunnels, sous la place de prière actuelle, ajoutent encore une couche de mystère. Elles montrent que certains de ces blocs géants se trouvent en dessous du niveau visible, intégrés dans une structure qui plonge plus profondément que ce qu'on voit à l'air libre. Des rapports et présentations accessibles via The Discovery of the Western Wall Tunnel et des synthèses comme Jérusalem 101 Western Wall Tunnel décrivent ces masters courses enterrées. On peut bien sûr garder l'étiquette mur d'Hérode pour l'ensemble. Ou accepter une autre lecture, une base bien plus ancienne, reprise et surélevée par des bâtisseurs ultérieurs, puis rafistolée encore plus tard. Un socle cyclopéen d'origine obscure, sur lequel plusieurs époques ont posé leurs couches. Dans ce cas, l'histoire change. Hérode cesse d'être l'auteur absolu. Il devient un simple squatteur de mégalithes. Le Saint-Sépulcre, porte enterrée, graffiti et écho venu de Russie. Quittons un instant le mur occidental. Direction le cœur du christianisme local, l'église du Saint-Sépulcre. C'est censé être le lieu le plus sacré de la foi chrétienne. Pourtant, dès la façade, quelque chose cloche. La porte actuelle ne se trouve pas au niveau du sol d'origine. Elle flotte au milieu du premier étage, tandis que d'anciennes ouvertures murées apparaissent plus bas, à demi enterrées. Des photographies du 19e siècle, conservées dans des collections comme celle de la Library of Congress ou du Metropolitan Museum, montrent déjà ce décalage. L'article à 19th Century Photographers Journée True Jérusalem commente les clichés d'Auguste Salzmann, façades fissurées, coupoles abîmées, échafaudages qui retiennent des murs fatigués. L'exposition en ligne Biblical Land, 19th Century Photography et la collection Holyland Photography de la Library of Congress Jérusalem OLOC montrent un vieux quartier bien plus proche du chantier abandonné que du centre liturgique hyperactif. À l'intérieur, tu croises un autre détail intrigant, des centaines de petites croix gravées dans la pierre. L'explication officielle reste simple, des pèlerins croisés auraient laissé ces marques en souvenir. Pourtant, c'est une drôle de façon de montrer son respect, gratter au couteau les murs d'un lieu déjà sacré. Certains historiens de l'art y voient plutôt des marques de tailleurs de pierre, des signatures de maîtres, comme celles qu'on observe sur des églises médiévales ailleurs. Et là, un lien surprenant apparaît. Des spécialistes de l'art russe ont noté des similitudes entre ces croix et celles qu'on voit sur les églises de Vladimir Souzdal, au nord et de Moscou. Des temples comme la cathédrale Saint-Dimitri ou l'église de l'Intercession sur la Nerle portent, sur leur façade, des motifs très proches, croix gravées, rois bibliques en relief, animaux symboliques. Des articles de revues d'histoire de l'art, comme ceux publiés par la Galerie Tretiakov sur les reliefs bibliques de Vladimir, soulignent par exemple la présence du roi David sculpté sur la façade de Saint-Dimitri. Pourquoi des princes russes du XIIe siècle se passionnent-ils au point d'afficher David, roi d'Israël, sur leur façade? Et pourquoi retrouve-t-on des marques proches dans la pierre du Saint-Sépulcre? On peut parler de simple dévotion biblique. On peut aussi se demander si une même école de maîtres n'a pas circulé entre ces mondes, ou si le récit biblique que nous lisons aujourd'hui ne recycle pas, en réalité, des histoires médiévales européennes projetées dans un passé beaucoup plus ancien. Les photos du XIXe siècle, ruines, silence et centres sacrés introuvables. Une chose change tout dans ce dossier, la photographie. À partir des années 1850, des Européens arrivent avec des chambres lourdes et des plaques fragiles. Ils veulent prouver la Bible en images. Ils espèrent trouver une ville brûlante de foi, pleine de foules et de processions. Au lieu de ça, leurs objectifs captent souvent des rues presque vides et des bâtiments en mauvais état. Les séries d'Auguste Salzmann, de Francis Frith ou d'autres pionniers, présentées dans des expositions comme Biblical Land, 19th Century Photography et dans l'article à 19th Century Photographers Journée True Jérusalem, montrent un vieux quartier très loin du centre sacré hyperactif qu'on imagine aujourd'hui. Le Saint-Sépulcre apparaît parfois comme un bloc fatigué, soutenu par des étais. Les remparts entourent une ville qui semble somnoler plus que rayonner. La collection Holy Land Photography de la Library of Congress Jérusalem (HLOC) permet de feuilleter ces vues haute résolution. Bien sûr, les longues pauses effacent les passants. Bien sûr, la misère ne se photographie pas toujours. Mais ces images tombent mal pour la version officielle. On nous raconte un centre spirituel vibrant, fréquenté par des foules de pèlerins sans interruption. Les photos, elles, montrent souvent des ruelles dégarnies, des terrains vagues, des maisons à moitié effondrées. Il faudra attendre la fin du 19e et le début du 20e siècle pour voir vraiment la ville s'emplir de nouvelles constructions et de nouveaux flux de voyageurs. Alors, reste une impression étrange. Comme si quelqu'un avait trouvé une ville sous-peuplée, bâtie sur des ruines plus anciennes, puis avait décidé de la transformer, brique après brique, en vitrine sacrée globale. Les pierres racontent une lente montée en scène. Les photos attrapent ce moment de transition. À toi maintenant de décider ce que tu y vois, un simple retard de restauration, ou les coulisses d'un décor qui se met en place.